Un crime impossible, une enquête de l'inspecteur Barr par Michel Corry. Chapitre 1er. L'invisible assassin. Eh bien, monsieur Ternier, vous êtes donc venu faire un petit tour à la fête. Mais oui, monsieur le maire, j'aime ces réjouissances villageoises. Elles ont un caractère familial. Et je prendrai part avec plaisir à vos divertissements. Le maire de Migrigny, M. Ludo, remercia vivement Jacques Ternier de ses amables paroles. Celui-ci n'avait que des amis dans ce village qu'il habitait depuis 15 ans. Il demeurait dans une petite maison isolée, où, content de son modeste sort, il vivait paisible et tranquille, s'occupant de poésie, personnage original et pittoresque du village. Il n'y rencontrait guère qu'un seul ami, Henri Brémond, ingénieur à Troyes, la ville voisine, et qui venait souvent le voir en auto. Quelques minutes après cette conversation, Jacques Ternier et le maire étaient assis dans la prairie, à la guinguette familiale, où le brave aubergiste du pays servait la bière et la limonade. L'instituteur du pays, l'honorable M. Jossa, était installé là lui aussi avec eux. Elle était ravissante, cette verte prairie à l'herbe fleurie. D'un côté, c'était le village dont on apercevait à quelques centaines de mètres le clocher. Et en face, tout au bout du grand pré, au-dessus de la petite colonne qui la continuait, c'était le château, un vieux donjon historique, qui dominait l'espace ouvert devant lui, de sa silhouette romantique et de ses antiques remparts. « Le point de vue, dit Jacques Ternier, est aussi joli d'un côté que de l'autre. » Il regardait le pays. En face de lui, l'instituteur, l'honorable M. Jossa, examinait le vieux château. Il était féru d'archéologie et s'intéressait à ce domaine et au châtelain lui-même, M. Alexis Cardy, qui avait longtemps voyagé et s'était retiré dans ce manoir. Un savant. Un vieux savant, à qui je crois aucune science n'est étrangère, disait M. Jossa. Ainsi se mit-on à parler des habitants du pays et de ses hôtes. La conversation tomba sur Henri Brémond que M. Ludo avait vu l'après-midi même. Il garait son auto dans les sous-bois. Et il n'est pas venu me voir, s'étonna Jacques Ternier. Le brigadier de gendarmerie du pays s'arrêta un instant pour saluer le maire. Il tendit la main au secrétaire de mairie, puis à Jacques Ternier. Au même moment, celui-ci, soudain, s'abattit à terre sans pousser un cri. M. Ludo et M. Jossa se levèrent. Deux gendarmes qui accompagnaient leur chef se baissèrent avec celui-ci et relevèrent Jacques Ternier. « Qu'est-ce qu'il a ? » dit le maire. « Une indisposition ? » fit l'instituteur. Les deux gendarmes le tenaient chacun par un bras. Mais le corps était inerte et la tête, très pâle, retombait sur l'épaule. Un des gendarmes poussa une exclamation. Il s'apercevait que sa main, qui soutenait Jacques Ternier, était toute rouge de sang. L'autre gendarme poussa à son tour un autre cri. « Voyez !» Et en même temps, il montrait que l'homme qu'il tenait avait dans le dos un poignard planté jusqu'à la garde. Ce fut, pour le maire, l'instituteur, le brigadier, les gendarmes, une indicible stupéfaction. « Il était devant nous !» disait M. Ludo. « Personne ne l'a approché. Il n'y avait personne dans la plaine derrière lui. Il est avec nous depuis le commencement de l'après-midi. Nous ne l'avons pas quitté. »« Il se portait fort bien !» répétait M. Jossa. « Il est tombé tout d'un coup de son banc. Comme vous dites, nul ne l'a approché. On le relève, il a reçu un coup de poignard dans le dos. C'est effrayant !»« Et ce qu'il y a de plus fort, conclut le brigadier, c'est que c'est impossible !» Le médecin du pays, le docteur Postel, mandé en toute hâte, ne put que constater le décès. « Le cœur est atteint, » dit-il, « la mort a été instantanée. Au moment même où il a reçu le coup, elle a été foudroyante. » Le brigadier, tout de suite, avait commencé son rapport. Cette pièce essentielle du dossier, rédigée en somme par un témoin du fait, et dont aucune ligne ne devait être reprise, concluait. Jacques Ternier a été frappé dans des conditions qui ne se sont jamais rencontrées dans aucun crime. Il était à côté des honorables témoins et de nous-mêmes. Personne n'était derrière lui. Personne n'a pu y venir sans être vu. Il paraît impossible qu'il ait pu être frappé d'un coup de poignard, et il a été, nonobstant, frappé d'un coup de poignard tout de même. Il n'avait pu en être frappé auparavant puisque les témoins ne l'ont pas quitté, qu'ils l'ont vu de dos à maintes reprises puisque le médecin, le docteur Postel a reconnu que la mort avait été instantanée. Nul n'a vu l'assassin et il ne pouvait pas frapper la victime sans être vu. Il y a un assassin, mais il est invisible. Il y a eu crime, mais le crime est impossible.